Bonsoir, dans Le Temps n'emporte l'histoire aujourd'hui, Tina Modotti, femme libre et photographe engagée. La postérité des femmes artistes est parfois étrange. Tina Modotti, reconnue de son vivant comme une grande photographe, oubliée pendant 40 ans, est devenue dans les années 90 un véritable mythe. Mais que célèbre-t-on ? L'artiste, la femme belle et hors norme qui collectionnait les amants, ou la communiste qui portait la révolution de Mexico à Moscou, en passant par la guerre d'Espagne ? Elle était sans doute tout cela à la fois et bien d'autres choses. D'une beauté originale, brune aux yeux noirs mélancoliques, cette fille d'ouvrier italien qui connut l'usine à 12 ans avant de conquérir le Nouveau Monde, fait partie de ces femmes des années 1920 qui continuent de nous fasciner pour leur liberté sexuelle, leur engagement artistique et politique. Tina Modotti, modèle et amante d'Edward Weston, s'est emparée de l'appareil pour imprimer le monde comme elle le voyait. Pureté formelle et témoignage de la misère humaine et de la révolte aussi. Mais, c'est sans doute le grand mystère de sa vie, elle abandonnera l'art pour la révolution et mourra au Mexique en 1942 dans des circonstances restées troubles. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Gérard de Cortanze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur récemment d'un roman sur Tina Modotti, justement. En quelles circonstances vous l'avez découverte, cette femme, cet artiste ? J'ai beaucoup écrit, comme vous savez, sur Frida Kahlo. Une femme qui était son amie. Voilà. Une autre artiste. C'est Tina Modotti qui a initié Frida Kahlo mexicaine. À la politique. Tina Modotti avait eu comme amant Diego Rivera, et c'est elle qui a présenté Diego Rivera à Frida Kahlo. Donc, lorsque vous travaillez sur Frida Kahlo, vous trouvez toujours Tina Modotti à toutes les pages. Tina Modotti a une trajectoire assez incroyable. Cette figure de la bohème artistique de Los Angeles, puis de Mexico, est née dans une famille ouvrière pauvre du Frioul, donc au nord de l'Italie. C'était en 1896. Exactement. Alors, le Frioul, c'est une région particulière de l'Italie. C'est pris entre les montagnes et la mer. Il pleut beaucoup. Au 19e siècle, c'est une région qui économiquement est très riche pour les capitalistes, mais pour les ouvriers, elle est très pauvre. Ça n'étonnera personne. Donc les ouvriers italiens vont souvent travailler d'ailleurs en Autriche. Et Tina Modotti suivra ses parents. Alors sa mère est une petite couturière, son père est mécanicien, c'est un inventeur aussi un peu rentré. Il a inventé un vélo en bambou, il inventera un appareil à faire des raviolis. Mais surtout, ce qu'elle retiendra en fait de cette émigration en Autriche, avant de revenir vivre en Italie, c'est l'extrême pauvreté, c'est le rejet des Italiens, mais c'est surtout le début de elle est toute petite, mais de sa conscience politique, parce qu'elle participe sur le dos de son père à un 1er mai. Et elle en parlera très très souvent après de ce 1er mai, parce que elle voit des drapeaux, des fanions, elle voit les ouvriers et les paysans main dans la main, et elle dit qu'il y a une sorte de solidarité qui va la suivre pendant toute sa vie. Mais elle vient d'un milieu aussi, très pauvre. Ils ont faim dans cette famille. À un moment, dans votre roman, vous racontez qu'un soir, il n'y a plus rien à manger à la maison. Elle ramène tout à coup, elle a une grande surprise, elle rapporte du salami, du pain, du fromage. Toute la famille est éberluée. Et comment a-t-elle récupéré cette nourriture? Oui, on demande, d'ailleurs, elle le dit sans le dire. C'est tout simplement, on lui a offert, sa tante lui a offert un châle auquel elle tenait beaucoup. Elle l'a vendu. Et elle explique que bon, finalement, ça lui plaisait pas beaucoup ce châle, c'est pour ça qu'elle l'a vendu. Mais en fait, elle était très triste, mais elle était encore plus triste de voir sa famille, parce que le père à l'époque est parti aux États-Unis avec l'espérance de faire venir le reste de sa famille. Donc, elle est soutien de famille et elle travaille dans une usine de textile. Vous savez, c'est l'époque où on utilise beaucoup les enfants, parce qu'ils ont des mains, des petites mains, et donc pour tout ce travail très délicat, on a besoin d'enfants. C'est terrible. En 1908, son père émigre aux États-Unis et en 1913, la petite Tina va le rejoindre. Elle part avec une petite valise, avec $50 en poche, avec un petit chapeau qu'elle s'est confectionné parce qu'on lui a dit aux États-Unis, il faut avoir un petit chapeau. Et imaginez, le voyage dure 45 jours. Donc en calèche du Frioul à Gênes, en bateau de Gênes à New York, en train de New York à San Francisco. Et on se demande comment cette petite fille est arrivée vivante à San Francisco. C'est une jeune fille donc d'un grand courage, une grande détermination sans doute déjà à cette époque. Elle va travailler comme couturière, elle est jolie, elle va devenir même mannequin, elle a du goût, elle s'habille d'une manière originale. Et en 1915, elle rencontre un poète assez original, Robo, qui lui fait découvrir l'art moderne. Puis lui fait découvrir aussi le théâtre puis le cinéma, puisqu'elle elle va faire partie d'une troupe de théâtre italienne. C'est le, comment dire, San Francisco, il y a tout un Little Italy très très important, avec des revues, enfin des magazines, des choses comme ça, mais surtout des troupes de théâtre qui jouent en italien. Ça devient une vraie vedette, parce qu'il paraît qu'elle a, elle a un charisme fou. Elle est happée par le cinéma, parce que le cinéma muet, c'est tout près, Los Angeles, San Francisco, enfin tout ça n'est pas très très loin. Et moi, ça m'a beaucoup amusé, ça, d'étudier cela. Les premiers metteurs en scène du cinéma muet, ils vont chercher les vedettes de cinéma dans les troupes italiennes. Et évidemment, ils fabriquent des clichés, c'est-à-dire que les hommes sont des belâtres, et les jeunes femmes sont évidemment des sorcières qui détruisent les couples. Ça n'a pas beaucoup changé. Gérard de Cortanze, je propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour continuer cette discussion. Tout de suite, Tina Modotti, femme libre et photographe engagée, un texte de vous, donc Gérard de Cortanze, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Corps parfumé, tiède, ferme. Tous baisés, donnés. Dans les prés profonds de l'été. Herbes couchées, enchevêtrées. Dans les couloirs suintants des maisons. Sur les divans, les lits qui craquent. Une odeur le saisit à la gorge. Sauce de viande pénétrante, lavasse de légumes verts. Repas des fauves. Des hommes. Des hommes. Des hommes. Monsieur Edward Weston, en tant que présidente du mouvement des bohémiennes, modèle bisexué et promoteur de la photographie abstraite moderne, je te dis des femmes, des femmes, des femmes. Comme vous sembliez en avoir tous assez de ma poésie mélancolique et mortifère, au dire de ma chère épouse, n'est-ce pas, Tina ? Oh, mais tu exagères toujours, robot. Tu n'as pas beaucoup de fer dans l'âme, c'est tout. Et moi ? Tenancière de tripot qui prône l'amour libre, je te dis que tu n'as pas le droit de me piquer mes expressions. Faire dans l'âme, ça m'appartient. Mais je fais ce que je veux, Dorothea. Espèce de bolchevique de salon. Disons, Robo, mon chéri, que tu es un poète qui cultive le cynisme. Toutes choses qui me conduiront à une forme d'autodestruction, je sais. Eh oui. Mais nos amis ne sont pas venus à Los Angeles pour assister à une scène de ménage. Donc, si je peux finir ma phrase, merci, un peu de silence. Oui, oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai proposé à Edouard de nous lire quelques pages de ce livre interdit pour cause d'immoralité. Le titre ? Mystère. Bah, alors, le nom de l'auteur ? Si tu me le dis dans le coin de l'oreille, je t'offre mon corps. Mais... secret. Non, je n'ai pas envie que le bureau d'enquête débarque chez moi. L'Amérique devient vraiment invivable. C'est à Edouard de décider. Vous savez garder un secret ? Évidemment. James Joyce. Ulysse. Eh bien, vous savez quoi, mes amis ? Joyce m'a fait transpirer. Je vais aller piquer une tête dans la piscine, moi. Qui même me suit ? Je ne suis pas le troupeau. Joyce ne t'a pas fait transpirer. Je te savais grand photographe, mais tu lis divinement bien. Venant de toi, je prends ça comme un compliment. Tina, puisqu'on est seul, je voudrais te faire une proposition. Attention, Robo, sous ses airs d'amoureux transi et d'une jalousie maladive. Une proposition professionnelle. Ah, dommage. Allez, vas-y, je t'écoute. J'aimerais que tu poses pour moi. Le visage ? Le corps ? Habillé ? Nu ? Je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de nus, mais sans la tête. Des nus de femmes sans tête ? J'attends celle que je photographierai entièrement, avec sa tête. L'eau est sublime. Vous voulez pas venir ? Non. Où tu ranges tes bouteilles de whisky, Tina ? On n'a plus rien à boire. Dans le placard, devant toi. Tu trouveras de quoi saouler un régiment. Bon. Alors, je vous laisse. Et si vous voulez vous envoyer en l'air, c'est le moment, hein, robot ronfle, entièrement nu au bord de la piscine. Tu veux bien poser pour moi? Tu n'es pas obligé de dire oui tout de suite, tu peux réfléchir. Non, non, d'accord, c'est d'accord. Quand? Demain. Où? Dans mon atelier. Los Angeles, 1922. Tina Modotti, 26 ans, vient de donner rendez-vous au photographe Edward Weston, 36 ans, maître du fou artistique et de ce qu'il appelle la photographie pure. Tina vit depuis plusieurs années en Californie, mariée avec Roubaix de Labrie Richet, poète romantique surnommé Robo. Leur maison est un lieu idéal où se rencontrent écrivains et artistes lors de fêtes joyeuses placées sous le signe de l'alcool et de la liberté sexuelle. Dois-je vraiment aller à ce rendez-vous? Edouard est tout le contraire de Robo. Robo est hésitant, toujours à rêvasser. Edouard a quelque chose d'envoûtant. Je sais, il y a les rumeurs. Un intellectuel extravagant, excessif. Une femme, quatre enfants, des aventures extra-conjugales à l'appel. Dont une avec Margaret, qui m'a tout raconté en long et en large. Ce qu'elle m'en a dit d'ailleurs me donnerait plutôt envie d'essayer. Comment faire ? Poser pour un type qui vient de gagner une médaille à la Panama Pacific Exposition de San Francisco me changerait des rôles de soubrette et de femme fatale. Après tout, je pose bien pour des réclames idiotes. Pourquoi pas me mettre nue devant un vrai photographe? Tu es sûr que tu n'as pas froid? On peut s'arrêter si tu veux. Non, non. C'est très bien. Tu peux essayer de fermer les yeux. Comme ça? Non, plus légère. Plus joyeuse. Comme ça? Non, comment dire? Plus profonde. Comme en pamoison. Voilà. Et tu prends l'iris blanc qui est à côté de toi. Ma fleur préférée, tu le savais? Non. Je ne crois pas au hasard. Voilà. Tu la tiens près de toi et tu tombes en pamoison devant le parfum de l'iris blanc. C'est exactement ça. Ah, magnifique. C'est bon. Fini. Déjà? Tu n'es pas fatiguée? Mais non. Je voudrais que ça dure toute la nuit. Ah, tu as la chair de poule. Tina, couvre-toi. Tu trembles. J'ai pas froid, je t'ai dit. Viens. Embrasse-moi. Pose tes mains sur moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai jamais désiré un homme avec une telle force, un tel appétit. Nous avons passé la nuit à boire du saké, à faire et à refaire l'amour en écoutant la balade de Pablo Sarasate. Toute la journée du lendemain et les jours suivants, j'ai été comme grisée par le souvenir de cette nuit, bouleversée par sa beauté et sa folie. Chaque minute, chaque seconde, je revis les instants que nous avons passés ensemble, les caresses, les gardant doucement en moi comme des rêves fragiles et précieux. Comment expliquer tout ça à Robo? Comment lui faire comprendre? Je me sens à la fois coupable et pour la première fois de ma vie si heureuse. Heureuse parce que libre. Aux États-Unis, des lois très strictes régissent le matériel publiable. Les ligues de vertu veillent et la censure ne laisse rien passer. Edward Weston fera donc deux tirages de ce cliché à l'iris aujourd'hui célèbre. Sur l'un, le mamelon gauche de Tina apparaîtra, voilé mais présent. Sur l'autre, celui destiné à la publication et aux expositions, il sera purement et simplement supprimé. Voilà pour la question de l'art. Mais pour celle de la vie de tous les jours, comment les amants s'arrangent-ils pour vivre leur liaison? Tina et Edward s'écrivent des lettres enflammées. De mes sens, encore frissonnants, s'élève un ardent désir de baiser encore tes yeux et ta bouche. Je brûle, et tout mon être frémit de l'intensité de mon désir. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter un plaisir aussi grand. Comment vais-je pouvoir attendre le moment où je te reverrai? Robo, qui n'est pas dupe, mais dont la nature passive conduit à une forme d'effacement, va aider malgré lui le couple à vivre sa folie amoureuse en partant au Mexique. Sorte de fuite devant la réalité qui va se terminer tragiquement. Ça fait 2 jours qu'on est dans ce train, j'en peux plus. On devrait être à Mexico dans une dizaine d'heures. Pourvu que j'arrive pas trop tard. Viens tout de suite, Tina. Venez tous. Le Mexique, c'est quelque chose de merveilleux. Je n'avais jamais pensé trouver un pays pour les artistes, mais le Mexique en est un. Il donne tout ce qu'il a. Edouard va pouvoir faire des photos extraordinaires. Il avait l'air si heureux, Margaret. Arrête de relire cette lettre. Robo n'est pas encore mort. La fièvre typhoïde, ça se soigne. Je suis punie, Margaret. Une sanction divine. Tu crois en Dieu, maintenant? Non, évidemment. Alors pourquoi tu dis une ânerie pareille? J'ai couché avec Edouard. En réalité, non, mais c'est pire que ça et c'est plus beau. C'est un ouragan, je ne peux rien faire. C'est plus fort que moi. Et tu es heureuse, au moins? Mais faudrait inventer un autre mot qui évoque une fureur joyeuse. Alors jouer de la vie, imbécile. Tu crois que tu ne le mérites pas, ce bonheur? Tu regrettes l'Italie, la pauvreté? Tu regrettes le bruit des machines dans ton usine de textile? Tu es une femme magnifique, épanouie, libre. Profites-en. Bon, et c'est quoi ce télégramme que tu tiens à la main depuis tout à l'heure? C'est un contrôleur qui me l'a donné à Durango. À Durango, et tu ne l'as toujours pas lu? Bah ouvre-le. C'est peut-être important. Qu'est-ce qui se passe? Tina, qu'est-ce qu'il y a? Robo est mort. Tina? Tu ne devais pas aller au Mexique? J'ai juste fait un aller-retour. Ça s'est mal passé avec Robo? Je l'ai même pas vu. Entre. C'est terrible, Edouard. Je l'ai même pas vu et il est mort. Qu'est-ce que tu racontes? Un contrôleur dans le train m'a donné un télégramme. C'est comme ça que j'ai appris sa mort. C'est affreux. J'arrête pas de penser qu'il est mort sans personne pour lui tenir la main. Tout seul. Et moi, pendant ce temps, avec toi. Tina, vous ne vous aimiez plus. Vous ne vous touchiez plus. Tu m'as dit 100 fois que c'était plus un frère pour toi qu'un amant. On peut pleurer la mort d'un frère. Tu sais ce que je voudrais, Edouard? Que tu me fasses l'amour là maintenant, tout de suite. Et qu'après on parte tous les deux vivre au Mexique. Au Mexique? Oui, au Mexique. Tu verras, là-bas on pourra respirer, créer, faire l'amour quand on veut. L'Amérique est pourrie, moisie, la General Intelligence Division est en train de ficher tout le monde. Il nous faut un pays neuf, jeune. Edward hésite à quitter sa femme, Flora et ses enfants. Et cela d'autant plus que Tina a posé ses conditions. Elle veut qu'Edward la prenne comme assistante non rémunérée et l'initie au métier de photographe. Quant à leur couple, aucune contrainte ne sera admise. Un seul mot d'ordre, liberté totale. Après plusieurs mois de tergiversation, le 30 juillet 1923, au port de San Pedro, ils embarquent à bord du USS Colima. 8 jours plus tard, ils accostent à Manzanillo, un port de la côte pacifique du Mexique. Après un voyage en train de 850 km, ils arrivent à Mexico. Leur maison, une vaste demeure de maître, possède une azotea, une terrasse. C'est là qu'Edward prend de magnifiques photos de Tina, nue, baignée de soleil. De son côté, Tina n'est pas en reste. Elle apprend vite et développe ses premiers clichés. Tu l'as prise où? Au théâtre de marionnettes. Tu vois? Elle commence à apparaître. Lentement. Le chapeau, la ceinture, la petite moustache. Tu as voulu jouer avec l'ombre? Oui. Regarde, on a l'impression que son ombre la poursuit. C'est très réussi, tu sais. T'es contente de ton élève? Je vais t'avouer quelque chose. J'aurais aimé le signer, ce cliché. Vraiment? Tu vas lui donner un titre? Mon amant. Non, plutôt mon dernier amant. Ça correspond plus à la réalité. Mais quoi? Je dois pas dire ça? Tu vas pas faire la tête? Oh, quel rabat-joie. Oh, je sais. Liberté totale dans le respect de l'autre. Mais c'est comme ta copine Frida, les hommes, ça défile. Tu vas pas recommencer, tu étais à peine arrivée, t'avais déjà une aventure avec une indienne. J'ai pas fait une crise de jalousie pour autant. T'as qu'à vivre avec un laidron. Enfin, Tina, tu as autant d'amoureux qu'il y a de chiens dans les rues de Mexico. Edouard est vraiment pénible. C'est toujours pareil. Un homme a des amants, c'est un don Juan. Une femme a des amants, c'est une pute. Heureusement, il y a la photo. J'adore photographier la ville et les gens. Édouard déteste ça. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne s'aime plus. D'ailleurs, nous n'attendons pas les mêmes choses de la photo. C'est de plus en plus évident. Ce qui le touche, c'est l'esthétisme. Moi, j'arrive de moins en moins à concevoir la photographie sans la politique. Ici, au Mexique, on discute des heures de la lutte des classes, des femmes, du monde ouvrier, de la place des intellectuels dans la société. Et je me suis fait de nouveaux amis. Diego Rivera et sa femme Lupe, Naui Olin, la reine des orgies nocturnes, Julio Torri, ce foutu poète bègue qui n'a pas écrit une ligne, et D.H. Lawrence. Il paraît qu'il est en train d'écrire un roman sur le Mexique. Quelle bande de cinglés! Je les adore, tous. Dans le Mexique post-révolutionnaire du général Alvaro Obregón, marqué par une très grande pauvreté et de nombreux assassinats politiques, il est impossible de ne pas prendre position. Tina se sent de plus en plus proche des paysans et des ouvriers qui luttent pour une vie meilleure. Elle veut être à leur côté et s'engager, lutter avec eux. Un jour à Mexico, alors que le groupe d'amis discute lors d'un trajet en autobus, Graciela, la femme du peintre muraliste David Alfredo Siqueiros, tout comme lui militante communiste engagée, a une idée de génie. Et si on lançait une revue ? Une revue ? Oui, pour porter la bonne parole communiste au peuple. Une feuille vaste, éclatante, sanglante, grande comme un drap de lit. Quelle emphase, grand Dieu ! Le sang, le peuple. Toi, t'es pas d'accord, évidemment. Mais tu sais bien que non. C'est pas ce qui m'intéresse au premier chef. Enfin, je t'apprends rien. Et qu'est-ce qui t'intéresse ? Le peuple, ses luttes, tu t'en fous. Hé, les filles, c'est un tribunal ? Vous vous croyez à Moscou ? Tu dis encore un truc comme ça, je descends. Je te donne pas ce mal. C'est moi qui descends. Et sois pas stupide, on est à des kilomètres de l'avenue Veracruz. Ça me fera marcher. Ça me fera du bien. Dis donc, ça va entre vous ? Moyen. Je m'en fous. Bon, quel titre on va donner à notre journal ? Moi, j'en ai un depuis le début. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. El Machete. El Machete ? Pourquoi ? La machette. C'est symbole du travailleur des champs insurgé contre les grands propriétaires terriens. Formidable. Et on va demander à Guerrero de dessiner le logo. J'imagine assez bien une longue machette rouge sang. Ouais, et Ribera et Siqueiros donneront des illustrations. Et moi, des articles. Et puis des photos, bien sûr. Et ton Yankee, il nous passera des photos. Ça m'étonnerait. Et comment on va le distribuer ? On va pas le distribuer, on va le coller sur les murs, comme des affiches. Je ne suis pas sûre que nous passions Noël ensemble. Une grande complicité persiste entre Édouard et moi. Mais on dirait deux vieux amants qui continuent de connaître parfois de bons moments ensemble, de rire pour un rien. Mais notre belle folie a disparu. Hier, il a pris une photo de moi qu'il a appelée Tina à l'alarme. J'étais appuyée contre un mur. Il s'est approché de moi et m'a embrassée. Une larme a roulé le long de ma joue. Il m'a dit « Je veux immortaliser ce moment ». Artistiquement, je comprends son geste. Pour le reste, j'en souffre encore. Une partie de la tragédie de notre vie actuelle est à jamais prisonnière de cette photo. Désormais, plus rien ne pourra être dissimulé sous ce ciel cruel et vide de nuages. Quelques jours après cette photo, le 28 décembre 1924, Edward repart pour quelques mois aux États-Unis. Le journal El Universal annonce que M. Weston laisse son studio sous la responsabilité de Miss Tina Modotti, dont le travail a suscité nombre de commentaires flatteurs. Édouard, notre bien le plus précieux, c'est notre confiance mutuelle. Pour que tu puisses être fier de moi et pour que le temps passe encore plus vite pendant notre séparation. Édouard, merci. Merci pour tout, quoi qu'il advienne. Je te promets, je serai très sage en ton absence et je travaillerai dur. Au nom d'une interprétation très personnelle de la promesse faite à Edward, Tina entretient une relation amoureuse avec le poète diplomate Pepe Quintanilla. Et elle ne refuse pas les avances d'amant dont elle confesse apprécier la présence douce et abstraite. Cette vie amoureuse intense ne l'empêche nullement de continuer son travail au studio photographique, de faire de nombreux portraits, dont ceux de l'actrice Dolores del Rio, de poser pour des fresques de Diego Rivera, dont elle devient l'amante, et de croiser le poète russe Vladimir Mayakovsky. À ce moment de sa vie, elle hésite toujours entre la photographie et l'engagement social. T'en es où avec Édouard ? Je ne sais pas. Je m'en moque un peu. La question que je me pose, c'est surtout comment prendre une photo, pourquoi celle-là plutôt que telle autre. C'est-à-dire ? Par exemple, tu vois, je peux prendre la façade de cette maison, ces échafaudages, cet escalier, ça a quelque chose de géométrique, d'abstrait. Ou alors je peux choisir cette paysanne, ce travailleur. Edouard me dit c'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas prendre les deux. Non, moi, je n'ai pas envie de choisir. C'est affreux, j'ai la tête farcie de questions sur la politique, les relations amoureuses, les liens entre l'art et la société. Ça me réveille la nuit, je ne dors plus. Contente-toi de t'amuser avec tes amoureux. Fais comme Frida Kahlo, prends dans la vie ce qui est bon à prendre. C'est toi qui me dis ça ? Toi, une militante ? Mais tu trouves pas que ça suffit ? J'ai l'impression que pour nous, les femmes, c'est toujours plus compliqué. Faut toujours prouver quelque chose. Mais en fait, je vais te dire, les femmes sont négatives. Elles manquent d'envergure, de concentration, de faculté de s'absorber dans une seule et unique chose. Mes faiblesses, mon inconstance, mes hésitations, j'ai l'impression que je les ai parce que je suis une femme. T'es folle. Il est temps qu'Edouard revienne et te remette sur le droit chemin. Il arrive quand d'ailleurs ? Dans une semaine. J'ai pas vu passer ces 8 mois, c'est fou. Je dois aller le chercher à Guadalajara. T'es obligée ? Te jette pas dans ses bras. On a une exposition commune au musée d'État, tu te rends compte ? Les photos d'Edouard Weston et de Tina Modotti réunies pour la première fois. Si les retrouvailles sont joyeuses, l'énergie d'antan toujours présente, l'exposition ne se déroule pas comme prévu. Échec commercial, misogynie à l'encontre de Tina. L'exposition qui devait les rapprocher semble les éloigner. Le retour à Mexico n'a pas lieu sous les meilleurs auspices. 6 clichés vendus, misère. Plains-toi. Et moi, qu'est-ce que je dois dire ? C'est ta première exposition. Tu comprends rien, comme d'habitude. Lis El Sol, page 4. Donne-moi. Le titre d'abord. L'empereur de la photographie et la ravissante Tina Modotti. Et le début de l'article, tu l'as vu ? Devant nous se tient une suffragette, aussi belle qu'aimable, ce qui est rare. Elle porte un chemisier à haut col et avec des envoltures une cravate masculine, mais aussi une jupe très étroite de coupe nord-américaine. C'est plutôt flatteur. Mais t'es idiot ou quoi ? Ce crétin de journaliste a même noté que je fumais une cigarette Buen Tono, ça te choque pas ? Et mes photos, la composition de mes photos, mes cadrages, c'est toujours la même chose, on ne parle que de mon cul. C'était déjà comme ça quand je faisais du théâtre. Quant au cinéma, n'en parlons pas, d'ailleurs c'est fini. Je ne mettrai plus jamais les pieds sur une scène de théâtre ou un plateau de cinéma. Tina, on vient à peine de se retrouver, déjà... Qu'est-ce que tu fais ? Où vas-tu ? En seconde. Je te l'avais dit, je voulais pas voyager en première, mais comme d'habitude, tu ne m'as pas écouté. C'est ça, parmi les Indiens somnolents, les soulards, les soldats... T'as fini ? Je préfère m'entasser au milieu des pauvres, sur des sièges en bois, que sur des sièges en cuir, à côté de bourgeois prétentieux et parvenus. Tu m'ennuies, Edouard. Laisse-moi. Revenu à Mexico en août 1925, Edward comprend que Tina s'est organisé une vie où il n'a plus sa place. Ils vivent sous le même toit, certes, mais la plupart du temps, ils ne font que se croiser et communiquent souvent par lettres. Malgré les apparences, ils sont encore très liés, indissociables, ont un besoin solide l'un de l'autre. Mais une nouvelle fois, la politique va les séparer. Le marxiste Plutarco Elias Calles a succédé à Obregón, promulguant des lois violemment anticatholiques. Dans les campagnes, les cristeros, rebelles soutenus par l'Église et les forces conservatrices, font régner la terreur. Tina sait désormais exactement ce qu'elle veut faire, poursuivre son métier de photographe et se rapprocher davantage encore du Parti communiste. Mon Edouard, j'ai bien réfléchi, c'est le moment de me jeter à l'eau. Je veux travailler dur et d'une façon différente. Dorénavant, tout ce que je possède n'aura trait qu'à la photographie. Je me suis acheté un Graflex. Ne sois pas jaloux. Je sais, c'est le même que le tien. Et alors, pourquoi pas ? C'est pour toutes ces raisons que j'accepte avec enthousiasme ton idée de partir dans le centre du Mexique faire des photos. Je viens de comprendre une chose. L'abstraction, c'est bien, mais la révolution mexicaine, c'est pas mal non plus. J'ai compris ça lors du dernier défilé du 1er mai quand, montée sur la terrasse, j'ai pris la photo, celle que tu n'aimes pas beaucoup, où l'on voit tous ces hommes avec leurs chapeaux, tous ces ouvriers, ces paysans qui défilent derrière d'immenses banderoles rouges. Ça m'a rappelé les cortèges de grévistes en Italie. J'étais sur les épaules de papa. Mon Dieu, comme je le serrais fort pour ne pas tomber. Quelle plaie ! Pense un peu à eux. Regarde, toutes ces femmes, ces enfants qui travaillent comme des bêtes sous la pluie. Nous, on est bien à l'abri à prendre des photos. Tu veux échanger leur vie contre la tienne ? Ça fait 3 mois qu'on est ici, je commence vraiment à en avoir assez. Quand ce ne sont pas les cristeros qui viennent nous mettre leur mitraillette sous le nez. C'est le train qui est jamais à l'heure, sans parler du climat. Atroce. Et quant aux Indiens, n'en parlons pas. Quoi, les Indiens ? Si j'étais pas là pour parler avec eux, tu ferais aucune photo. La photo de la femme indienne qui donne le sein à son enfant, sans moi, on n'aurait jamais faite. Oui, c'est ta photo, pas la mienne. C'est ça le problème ? Je n'ai plus le seul à faire des photos. Moi aussi, je fais des photos. Et on apprécie mon travail, de plus en plus. T'as t'ennuies ? J'en ai assez de ce pays. Un jour, tu croises des visages les plus doux que j'ai jamais vus. Et le lendemain, tu en côtoies d'autres qui te glacent le sang d'horreur, cruels, brutaux, capables de tous les crimes. Quelques mois à peine après ce voyage, Tina et Edward doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont plus rien à vivre ensemble. Tina se sent de plus en plus mexicaine. Edward, lui, ne songe qu'à faire ses valises. Le 4 novembre 1926, Tina accompagne Edward jusqu'à la gare. Edward écrit dans son journal « C'est seulement sur le paseo, dans le taxi qui roule vers la gare, que nos regards se croisent. Mais quand je lis ce que lisent ses yeux, je la prends dans mes bras et nos lèvres se rejoignent pour un interminable baiser. Je me dis « Cette fois, c'est bien adios pour toujours au Mexique. Tina, sans doute. » Nous quittons-nous à jamais. De retour chez elle, dans l'appartement vide, Tina écrit une lettre qu'elle envoie à Edward et qui commence par ce poème. Ce que tu aimes demeure, le reste n'est que déchet. Ce que tu aimes vraiment ne te sera pas ravi. Ce que tu aimes vraiment est ton véritable héritage. La force de Tina, c'est qu'elle ne perd jamais espoir. Edward parti, elle s'engage de plus en plus en politique, notamment au sein de El Machete, et participe activement à la campagne en faveur des anarchistes italiens Sacco et Vanzetti. Lors d'une manifestation, elle fait une rencontre qui va changer sa vie. Là, vite, si vous ne voulez pas être matraqué. Sans vous, j'étais bonne pour le panier à salade. Merci, Julio. Vous connaissez mon prénom. Julio Antonio Mella, dit l'ange rebelle, qui a défié la dictature Machado et a déclaré du fond de sa cellule: il n'est pas possible que dans le pays de José Martí, le fait de penser librement soit un délit. Tina Modotti, photographe. Et ancienne femme d'Edward Weston. Je n'ai jamais été la femme d'Edward. Et donc, pourrait rester à jamais sa tendre amie. Quant à mes amants de passage, ça dit bien ce que ça veut dire. Ils sont de passage. Voilà, vous savez tout. En somme, vous êtes une femme libre. Totalement. Vous savez ce que je réponds quand on me demande quelle est ma profession ? Non. Comment le serais-je ? La rumeur, les qu'en dira-t-on ? On n'aime pas beaucoup les femmes libres. Ni au Mexique, ni au Parti communiste. Donc, que répondez-vous ? Les hommes. Vous avez compris, j'espère ? Il y a deux sens, hein ? Les mâles et l'humanité. Les hommes, quoi. Tina Modotti et Julio Antonio Mella, trotskiste cubain en exil, secrétaire de la Fédération des étudiants universitaires de la Havane, deviennent très vite amants. Mais en dehors de l'amour physique puissant qui les lie, il y a aussi le ciment de l'action commune, de l'engagement contre la dictature Machado à Cuba, pour une Amérique latine libre. Tous deux passent des heures dans les locaux de El Machete. Chacun y fait sa part de travail. De juillet à décembre 1928, pratiquement toutes les couvertures sont des photos de Tina. La correspondance avec Edward ne s'arrête pas pour autant. Tu ne peux pas savoir combien je pense souvent à tout ce que je te dois pour avoir été la personne importante. À une certaine époque de ma vie, quand je ne savais plus à quel saint me vouer, le seul et unique guide, la seule et unique influence vitale. Mais je dois te dire, j'ai rencontré un homme. Je suis heureuse. Ensemble, nous sommes comme deux tourtereaux. Le 10 janvier 1929, après avoir assisté à une réunion politique, Tina et Julio Antonio s'apprêtent à rentrer chez eux quand ce dernier reçoit un mystérieux coup de téléphone. Oui, c'est moi. Des révélations importantes à me faire, d'accord. Au bar India, 20h30, parfait. C'était José Magrignat. Le fils du banquier cubain ? Ce type ne m'a jamais inspiré confiance. Il est en exil comme moi. Et alors, souviens-toi de ce que t'as dit Diego. Il m'a dit tellement de choses. J'ai pas envie de rire. Il t'a dit de ne pas sortir seul le soir. Il faut écouter ce que dit cet ivrogne de Rivera maintenant. Mais quelle tête de mule ! Bon, écoute... On part ensemble au bar India. C'est à 100 mètres d'ici. Tu me laisses. Pendant ce temps, tu vas à la poste acheter les timbres dont t'as besoin. J'écoute ce que ce type a à me dire. Tu m'attends bien au chaud dans le hall de la poste. Et je t'y retrouve. Bah, disons dans moins de 20 minutes. Avec un couteau dans le dos. Mais non, voyons. Les communistes, c'est entre les dents qu'ils ont un couteau. Julio Antonio Mella avait raison. À peine Tina s'est-elle installée sur un des bancs du hall de la poste, qu'il est déjà là, mort de froid mais vivant, son chapeau sur la tête. Tina est presque heureuse. si ce n'est que son mystérieux interlocuteur a confirmé à Mela que deux tueurs venaient d'arriver à Mexico pour le liquider. Pourquoi pas un régiment entier ? On va rentrer tranquillement chez nous, on va se réchauffer avec une petite tequila et on fera l'amour, d'accord, camarade ? Oh, mais quel froid de chien ! Ouais, mais regarde le ciel. Pur, pas un nuage. Ça fait longtemps que j'ai pas vu autant d'étoiles. Arrête-toi! Oh non, s'il te plaît, pas de cours sur la grande ours. Rentrons, je t'en supplie. J'ai un mauvais pressentiment, Julio. Julio! À l'aide! Appelez la police! Écoute-moi. Appelez la police! Meurtre politique, règlement de compte, la presse à scandale s'empare de l'affaire. Tina est traînée dans la boue. On publie des photos intimes, des pages de son journal, sa correspondance. Les journaux lapident celle qu'ils surnomment la Matahari du Comintern, voyant en elle une espionne au service de Staline. Elle écrit à Edward « Toute cette histoire me fait l'effet d'un cauchemar. » N'importe qui serait mort de douleur et de désespoir. C'est mal me connaître. D'abord, j'ai trouvé un nouvel amour. Enfin, appelons ça comme ça. Je sais, vous allez me dire que c'est immoral, que c'est incompréhensible. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas crever. Il s'appelle Javier Guerrero et m'a convaincu de prendre ma carte du parti. Je n'abandonne pas la photo, mais je choisis aussi le militantisme révolutionnaire. Tina Modotti, qui ne parle jamais à la légère, travaille d'arrache-pied pour la section mexicaine du Secours Rouge, photographie les fresques d'Orozco, fait paraître ses photos dans des revues internationales. Politique et photographie plus que jamais mêlées. Le 5 février 1930, le président Pascal Ortiz Rubio est victime d'un attentat. La sulfureuse photographe y a-t-elle participé ? Elle fait un suspect idéal. Arrêtée, elle passe 13 jours en prison avant d'être expulsée du Mexique et déportée à bord de l'EDAM, un cargo hollandais. Arrivée en Allemagne, elle participe à Berlin aux luttes opposant les forces de gauche au Parti National Socialiste qui vient de recueillir 7 millions de voix aux élections législatives. Le 12 janvier 1931, elle adresse à Edward une dernière lettre. « Mon cher Edward, je vis dans un véritable tourbillon depuis que je suis arrivée ici. Jamais je n'ai eu aussi peu de temps à moi. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, dont le principal est que je n'ai absolument pas une minute à te consacrer. Ah, je voulais te dire, connais-tu quelqu'un qui achèterait mon Graflex ? Je voudrais bien le vendre pour acheter un Leica. Cher Edward, je t'envoie mes pensées les plus affectueuses. Mais surtout divulgue le moins possible ma présence ici. Ça pourrait me créer des ennuis. » Après avoir fui Berlin, elle se retrouve à Moscou avec dans sa vie un nouvel amant, Vittorio Vidali, le fameux Comandante Carlos, un militant stalinien acharné avec lequel elle entretient une relation houleuse. Travaillant à plein temps pour le Secours Rouge, elle sillonne l'Europe, participe à la guerre d'Espagne comme infirmière et est une des dernières à quitter le sol espagnol dans Barcelone assiégée. Au printemps 1939, munie de faux papiers, elle monte à bord du Queen Mary, direction le Mexique. Vidali la rejoindra plus tard. Elle n'est plus la jeune beauté laissant dans son sillage un parfum de scandale. Silhouette noire, aux allures de vieille femme, elle vit modestement dans un petit appartement. Puis, lentement, elle renaît, gagne sa vie en faisant des traductions, renoue avec certains amis et se remet à la photographie. En décembre 1941, elle passe la soirée de la Saint-Sylvestre invitée par Pablo Neruda. 5 jours plus tard, elle dîne chez l'architecte du Bauhaus, Hannes Meyer et sa femme. Fatiguée, elle abrège le repas et décide de rentrer chez elle. Ça va ? T'as pas l'air bien du tout ? J'ai encore un peu de travail, il est tard. Dès qu'on voit un taxi, on l'arrête. Mais non, tout va bien. Je vais rentrer à pied. J'adore marcher un peu. Hors de question, t'as l'air de souffrir le martyr. Tu veux vraiment pas que je t'accompagne ? J'en ai plus d'autres, tu sais. À 7h, les taxis se sont plutôt rares. Comme ça, on va pouvoir papoter en attendant. Ah oui, je voulais te demander. Tu sais, tu m'as parlé d'une fille enceinte, jolie comme un cœur, que tu as prise en photo. Oui. Avec le Leica qui t'a suivi partout. Ça y est, donc, tu te remets à la photo, alors. Tina, ça va ? T'as entendu ma question ? Oui, oui. J'ai tout brûlé. Quoi ? Attends, tu veux vraiment pas que je te raccompagne ? Vittorio a été accusé de je ne sais quoi encore. J'ai peur que la police ne vienne. Viens, vieux réflexe de militante, alors j'ai tout brûlé. Tracts, traductions, livres, journaux. Et évidemment, toutes mes photos, tous mes négatifs. Mais la jeune fille enceinte, elle ne fait pas de politique. Je sais. En plus, Vittorio a été libéré et la police n'est même pas venue. Tout ça pour rien. Quelle absurdité. Tiens, voilà mon taxi. Attends, t'es sûre que ça va aller? Ciao, Graciela, ça va. Okay. A presto. Bonsoir. Venez me laisser à l'angle de l'hôpital général. C'est juste en face de chez moi. Oh, j'ai mal au bras. Ah, dans la poitrine, merde. J'ai dû faire un faux mouvement. On doit pas être loin de chez moi maintenant. Qu'est-ce qu'il veut le chauffeur? Je comprends rien à ce qu'il dit. Pourquoi? Il dit que ça a l'air grave. Il veut me transporter à la Cruz Verde. Mais... non. J'habite de l'autre côté de la ville. C'est parce que je lui ai dit à ce chiocco de taxi. Hospital General. Oh. J'aurais jamais dû laisser le papier sur le chariot de la machine à écrire avant de partir. Ça va lui faire prendre un faux pli. Oh, mon Dieu. Machina fotografica. Machina fotografica. Edouard, pourquoi tu n'es pas avec moi? On pourrait écouter la balade de Sarasate. Potremmo ascoltare la balade de Sarasate. Tina Modotti, femme libre et photographe engagée, de Gérard de Cortanze, avec Tina Modotti, Marie Payen, Edward Weston, Grégoire Mont-Saint-Jean, Robo et Julio Antonio Mella, Léo Antonin Lutinier, Margaret Mater, Andrea Brusque, Dorothea Childs, Judith Zins, Graciela Siqueiros, Florence Janas, bruitage Elodie Fiat, prise de son, montage et mixage Claude Nior et Nicolas Slimani, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Christophe Hoquet. Une fiction qui s'est terminée par la balade passionnée et mélancolique de Sarasate. Dans quelques minutes, on parle à nouveau de Tina Modotti avec vous, Gérard de Cortanze. Porte l'histoire sur France Inter. Dragon de métal, ensemble maître du temps. Sauveur de l'ennui, je te regarde, tu me comprends. Qu'elle soit. Ah, ah. M'enveloppe et me protège, talisman contre moi. Asia, Dragon de métal sur France Inter. Autant en emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Serge Viguier. Gérard de Cortanze, Tina Modotti, on l'a quitté donc, revenue au Mexique. Elle retrouve le pays de ses amours. Qu'y avait-il de si fascinant dans ce pays pour ces jeunes artistes qui venaient d'un peu partout? Vous savez, la révolution mexicaine n'est pas très lointaine, c'est 1910. Alors, les Mexicains disent toujours que la vraie révolution, c'est la leur et pas la révolution russe. Et il y a vraiment une sorte d'ébullition permanente. C'est un pays d'accueil. Il y a tous les fascismes qui se développent un petit peu en Europe. Donc c'est vraiment une terre d'accueil. D'ailleurs, Cárdenas finira par accueillir Trotsky et d'autres. Et c'est là où il mourra d'ailleurs. Absolument. Voilà. 1940. Donc et c'est par rapport aux États-Unis, il y a la prohibition, il y a les ligues de vertu. C'est vraiment une terre de liberté. Il y a plein d'expériences qui sont faites nouvelles dans le domaine de l'art, de l'enseignement, enfin. Donc tout ça attire évidemment Tina Modotti et ses amis. Tina Modotti, donc si lumineuse, finit tristement aussi donc à Mexico. Elle meurt seule dans ce taxi, elle n'a que 46 ans. De quoi meurt-elle exactement? D'une crise cardiaque? Des historiens ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu être empoisonnée par éventuellement le NKVD, les services secrets russes, staliniens. On a dit que c'était sans doute Vidali qui l'avait... Vidali qui était son compagnon quand voilà, même, en principe. Qui l'avait assassiné, je ne crois pas. On a dit aussi qu'elle avait assassiné ou aidé à la mort de Mella, le militant cubain, je n'en crois rien. Vous n'avez pas envie d'y croire, parce que vous l'aimez. C'est absolument faux. Non. En tout cas, sa mort, il y a eu des témoignages, et de son frère et de sa sœur, qui ont répété qu'elle avait des problèmes cardiaques. Elle est morte d'une crise cardiaque, seule, c'est terrible, seule dans un taxi à Mexico, en 1942. Ce qui est étonnant aussi dans la vie de Tina Modotti, c'est cette femme qui était donc une photographe, une grande photographe même, qui a eu des expositions, qui a été reconnue dans son art et qui, à un moment de sa vie, abandonne la photographie et elle va s'engager dans la politique presque corps et âme. Alors moi, ma théorie, je pense qu'elle est bonne. Vous la partagez avec vous-même. C'est qu'elle n'a jamais abandonné la photographie. D'ailleurs, l'image de cette jeune femme enceinte qu'elle photographie quelques semaines avant sa mort témoigne bien qu'elle n'a pas abandonné la photographie. Et elle prend d'ailleurs cette jeune femme avec un nouvel appareil qu'elle a acheté peu de temps avant, qui est un Leica. Elle a toujours essayé de lier photographie et action politique. C'est d'ailleurs ce qui l'a séparée d'Edward Wetson. Wetson travaille plutôt l'esthétique, hein. Les ombres, les lignes, il fait beaucoup de photographies de nu. Elle dit, au fond, ce que je voudrais, c'est réunir les deux. Il y a une photo très célèbre qui résume tout son travail. On voit une marée de sombreros, hein, de chapeaux de paysans mexicains. Je l'ai sous les yeux, là. Voilà. C'est le défilé des travailleurs en 1926. C'est une Exactement. Photo prise par au-dessus, donc elle doit être de sur un balcon. Terrasse, oui. De sa terrasse. Et il n'y a rien de plus esthétique que cette photo-là, mais c'est une photo qui est prise lors d'un 1er mai. Et donc c'est un événement politique, et là vraiment, on voit très bien comment elle relie les deux choses. Oui, elle photographie beaucoup les mains. Il y a des photos de mains qui lavent des vêtements, des mains d'ouvrières ou d'ouvriers. C'est ce qu'elle dit, quand il y a ce jeu de mots, on lui dit que votre profession, c'est les hommes, et il y a les hommes, le sexe, bien entendu, les mâles, mais il y a aussi l'humanité. Elle aime profondément les gens, les ouvriers, les paysans, les travailleuses, les femmes mexicaines. Elle photographie cette humanité-là et c'est ça qui la touche. Dans les années 30, elle part en Europe et à Moscou avec ce Vittorio Vidali qui n'est pas exactement un humaniste. Ah, c'est un tueur. C'est quand même étrange cette relation qu'elle a avec cet homme qui est tout le contraire de Weston ou de Mella. Absolument. Alors, elle a toujours été attirée par des hommes puissants, forts. Enfin, qui joue un rôle politique, et dans la dernière partie de sa vie, elle n'est absolument plus d'accord politiquement avec la vie de Vidali. Qui est un stalinien pur et dur. Ah, c'est une des personnes qui a le commandante, qui a Carlos, qui a assassiné les gens du Poum, donc les anarchistes. Et les À Barcelone, sur ordre pendant la guerre de Staline. Oui. Ça, c'est clair. En 1937. Donc là, je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux. Mais par contre, il y a quand même des historiens, alors après, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord, qui affirment qu'il existe des documents signés de la main de Tina Modotti pendant la guerre d'Espagne, où elle dénonce des militants soupçonnés de trotskisme qui ont ensuite été liquidés. Alors, bon, ça, je ne les ai pas sous les yeux, je crois mais pas du tout. Vous savez, on a, durant toute sa vie, on l'a traîné dans la boue. Vraiment. Donc, qu'on continue aujourd'hui, bon, ça me semble un peu absurde. Ce que je sais, c'est qu'elle a passé toute la guerre d'Espagne comme infirmière, qu'elle a été une des dernières personnes à quitter Barcelone entourée par les franquistes. On l'a accusée à un moment d'avoir assassiné son amant, d'avoir participé à l'assassinat de Julio Antonio Mella, qui est mort près d'elle. Alors, juste une anecdote. Lorsqu'elle meurt, elle a sur elle un portefeuille, et dans ce portefeuille, il y a une toute petite photo d'Antonio Julio Mella. Je pense que s'il avait participé à son assassinat, elle n'aurait pas toute sa vie conservé la photo de cet amant qui, la mort de Mella a été pour elle un drame extraordinaire. Donc je ne crois absolument pas à l'implication de Tina Modotti dans les crimes staliniens. Mais ce basculement dans sa vie, ce passage entre la liberté sexuelle, artistique des années 20, et puis dans les années 30, cette espèce de... Oui, mais elle a continué. D'engagement dans le stalinisme, dans le rigorisme, l'espèce de morale. Est-ce que c'est une manière d'expier une forme de... Elle n'était pas rigoriste du tout. Ses camarades du Parti communiste lui ont reproché d'avoir cette vie aventureuse. Sa vie d'avant. Non, mais même la vie qu'elle a continué à mener, elle a continué à avoir des amants, et ça on lui reprochait tout le temps, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à avoir des amants et de mener la vie qu'elle entendait mener. Aujourd'hui, à la surprise générale, depuis quelques années, les photos de Tina Modotti atteignent des cotes extraordinaires dans les ventes d'art. Une grande rétrospective a été faite de ses œuvres à Arles, par exemple, en 2000. Mmh. Elle est vraiment reconnue aujourd'hui comme une artiste photographe à part entière. Absolument, et qui a fait des émules. Enfin, c'est une des grandes photographes. Ce n'est pas la seule. Dans les années 20-30, il y a eu d'autres. Oui, son parcours me fait penser à celui de Lee Miller. Par exemple, donc il y a beaucoup de femmes photographes, mais c'est une des plus importantes, ça, sans aucun doute. Merci beaucoup Gérard de Cortanze. Votre roman, Moi, Tina Modotti, heureuse parce que libre, est publié chez Albin Michel. À lire également la très belle correspondance de Tina Modotti avec Edward Weston, Lettre à Edward Weston 1922-1931 aux éditions Anatolia, et la biographie Tina Modotti, Amour, Art et Révolution de Margaret Hooks chez Anatolia. Autant n'emporter l'histoire, c'est fini pour ce soir. Cette émission et toutes les autres, vous pouvez bien sûr les réécouter ou les podcaster sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en 1851, au lendemain du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Victor Hugo, l'écrivain, arpente les rues de Paris pour convaincre les ouvriers de se soulever. De guerre lasse, il s'exilera avec sa famille à Guernesey quelques jours plus tard. Victor Hugo face à Napoléon le Petit, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Juste après le flash, vous retrouverez Nadia Dame pour Modern Love. Excellente soirée.